On va parler de natation. Deuxième entrevue en deux semaines avec le directeur général de la traversée tracée du lac Saint-Jean. Une nouvelle importante cette semaine qui est survenue, la traversée qui coupe les ponts avec la finale. Pour en savoir davantage, on parle avec le directeur général Jérémy Bonneau. Salut Jérémy. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Grosse nouvelle? Oui, si on veut. OK. Si on veut. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de couper les ponts avec la FINA? Est-ce que c'est les coûts? Est-ce que ça coûte cher, là, faire partie de la FINA, là? Bien, en fait, c'est pas seulement ça. Hein. Je l'explique toujours de cette manière-là. Peu importe le sport à lequel tu es rattaché avec une fédération internationale dans l'intention de présenter une étape de la Coupe du Monde, tout ça vient avec un cahier de charge, hein, avec une panoplie de choses que nous devons livrer et respecter. Puis d'année en année, c'est sûr qu'avec la FINA, ben les exigences ne cessaient d'augmenter. Puis en fait, la goutte qu'a faite déborder le vase cette année, c'est qu'avec la négociation du nouveau contrat qu'on était en cours pour les 4 prochaines années, la FINA nous a proposé un nouveau calendrier avec une traversée au mois de septembre. Bien entendu, avec une traversée au mois de septembre, même si on a la réglementation du wetsuit, ça pourrait se faire. C'est très peu agréable, d'un, pour les athlètes, puis d'un, pour la population générale aussi, ben oui. Même pour nos bénévoles qui sont en vacances durant l'été. Fait que c'est sûr que ça devenait... Septembre, c'était quoi la date? Y avait-tu une date vraiment d'arrêter? Non, il n'y avait pas de date d'arrêter. Nous, notre plage horaire, c'était au mois de septembre. Fait qu'on aurait pu décider de la faire début septembre, mi-septembre, fin septembre. Mais tu sais, on sait, les enfants... Début septembre, c'est encore jouable. Là, la fin de semaine de la fête du travail, c'est jouable. Mais à fin septembre, ça commence à pas être chaud. Là. C'est très différent. Là. Ça commence à... C'est très différent, effectivement. Puis nous, ben écoutez, c'est sûr et certain que même juste changer notre week-end d'une semaine, c'est très, très, très complexe parce que, bon, nous, avec nos infrastructures, nos immobilisations, on en fait profiter des autres festivals de la région aussi. Fait que si nous, on change de fin de semaine, ben là, on peut plus desservir nos collègues. Fait que, tu sais, ça va beaucoup plus loin que juste changer une fin de semaine. Puis comme je disais tantôt, je disais, écoute, on est durant les vacances de la construction, nos bénévoles sont en congé, les enfants sont pas à l'école. Fait que là, au mois de septembre, on avait tout cet élément-là qui rentrait en ligne de compte. Fait que c'est sûr et certain que, bon, les négociations étaient pratiquement au point mort parce que nous, c'est sûr qu'on n'acceptait pas ça. Fait que quand on a vu que, bon, ben là, écoute, à la mi-mars, c'est sûr qu'il faut se pencher. On a une traversée organisée pour 2022. Ouais. Fait qu'on a fait le choix de laisser aller la finale. Mais c'est vraiment... C'est un amalgame de raisons, mais je vous dirais la goutte qui a fait déborder le vase. La traversée au mois de septembre, c'est sûr et certain que... Celle-là n'a pas passé mettre. Est-ce que la traversée de la Saint-Jean, c'est une des plus vieilles compétitions des traversées, j'imagine, des compétitions comme la vôtre, ça n'a pas joué. Là. C'est ça qui est triste un peu dans ce temps-là. Là. Ben, tu sais, veux pas la traversée, c'est le Wim. Il y a quand même une belle réputation, là, la traversée de la Saint-Jean, l'hospitalité, et ainsi de suite, là. Ben oui, écoute, c'est le Wimbledon de la natation, c'est le Mont Everest de la natation, c'est considéré comme un grand chelem au golf, au tennis, peu importe le sport, c'est l'événement fort, puis c'est pas nous qui le disons, c'est les nageurs entre eux, puis les meilleurs nageurs de ce monde à nos libres, ils disent, si tu veux être considéré comme le meilleur nageur de natation à nos libres au monde, faut que tu gagnes la traversée, c'est pas juste de le faire, faut que tu la gagnes. Fait que tu sais, c'est tout cet élément-là. Pourquoi? Parce que c'est la plus compliquée, pourquoi qu'il y a eu une main par la... C'est la plus qualité des gens du lac Saint-Jean, c'est carrément la compétition la plus difficile au monde. Tout sport confondu, ça peu de gens le savent, mais tout sport confondu, toute épreuve sportive confondue, la traversée est classée en 6e position, comme la plus difficile. C'est qui les premières dans pour le fond? Ah, là, je me souviens pas par cœur, là, mais tu sais, dans ce classement-là, t'as l'Ironman d'Hawaii, t'as l'escaladé de Mont-Everest, tu sais, t'as une panoplie d'épreuves, puis la traversée est quand même classée, sixième là-dedans. Fait que c'est ce qui fait un peu le prestige de la traversée, mais tout ça s'envole pas parce qu'on part de la finale. Je veux dire, tout ça est encore là. C'est important de mentionner. OK. Si on parlait un peu, Jérémy, du côté du recrutement des nageurs, est-ce que vous avez peur que cette décision-là fasse en sorte que ça va être plus difficile de recruter des nageurs? Pas du tout. Au contraire, écoute, avec la FINA, en 2019, il y avait 12 compétitions au calendrier pour les marathons de 10 km, puis on était 5 ou 6, là, de mémoire, là, pour les ultra-marathons. Fait que tout près de 20 compétitions, c'était un calendrier intéressant pour les athlètes. Maintenant, avec toutes les nouvelles exigences, parce que oui, nous, ils nous exigeaient une nouvelle plage horaire, mais c'était vrai aussi pour les autres promoteurs à travers le monde. Ils nous ont présenté un calendrier il y a une quinzaine de jours avec seulement 4 compétitions, puis à l'heure où on se parle, ils sont toujours juste 4, parce qu'il n'y a pas seulement nous qui a fait le choix de quitter la FINA. Fait que ça devient beaucoup moins intéressant pour les nageurs d'avoir un circuit seulement à 4 compétitions durant l'année. Okay. Fait que c'est sûr et certain que nous, on envisage un regroupement des promoteurs qui ont quitté la FINA, ou il y a toujours l'option d'aller avec une nouvelle fédération, avec des nouvelles organisations comme les Global Swim Series et Ocean Man. Et juste pour parler des Global Swim Series, écoute, c'est un regroupement d'une centaine de compétitions en eau libre à travers le monde pour durant l'année. Là. Okay. Fait que tu sais, il existe d'autres choses déjà où on crée carrément un nouveau circuit justement pour rendre ça plus intéressant aux nageurs. OK. C'est, ouais, OK. Et tu sais, nous, pour mettre des incitatifs aussi, comme mentionné plus tôt, c'est sûr qu'on au niveau des cotisations de la FINA, c'était pas donné. Mais nous, on a fait le choix comme une organisation de redonner, d'en redonner un peu plus aux nageurs. Fait que toutes les sommes qui étaient versées à la FINA, on va le remettre en bourse aux nageurs. Fait que ça aussi, ça va être intéressant pour les nageurs qui viennent à Robertville. OK. Est-ce qu'au niveau financier, vous sauvez beaucoup? J'imagine que du côté des assurances, je me mets bien dans la peau pour les assurances, le fait de faire partie de la FINA, vous êtes associé là, donc c'est un regroupement pour les assurances, c'est plus... ça doit être plus rentable, mais est-ce que ça vous sauvez en bout de ligne de beaucoup? Ben, écoute, je vous dirais que il y avait des subventions qui étaient rattachées directement parce qu'on était avec la FINA. Fait qu'en bout de ligne, oui, c'est vrai qu'on va sauver certaines places, mais étant donné qu'on va perdre des subventions à certaines places, ça revient kiff-kiff. Partir de la FINA ne nous met pas dans le trou financier, mais on fait pas nécessairement plus d'argent non plus. Okay. Fait que c'est sûr, certain. Je voudrais à ce niveau-là, ça revient pas mal kiff-kiff. Y a-t-il des compétitions pas mal comme la vôtre qui va seul? Ben, absolument, comme je vous disais tantôt. On était tout près de 20 promoteurs en 2019 avant la pandémie, avec l'ancien contrat, maintenant ils sont juste 4. Fait que c'est sûr, certain qu'il y en a énormément qui ont fait le même choix que nous. On est en discussion présentement avec différentes compétitions. Oui, absolument. Les pourparlers sont déjà commencés. Vous écoutez, avant de faire une annonce comme ça, c'est sûr, certain que nous, on s'assurait de ne pas être seul au monde, si on peut dire. Ouais. Fait que c'est sûr. Écoute, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. En 2022, c'est sûr, ça arrive vite. Ça serait très surprenant qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit créé pour cette année, mais on parle déjà pour l'an prochain. Dans un autre ordre d'idée, je veux te parler de la prochaine édition. Vous devez être déjà en mesure de commencer à préparer l'édition 2022. Est-ce que le niveau des commanditaires, c'est-tu facile? C'est-tu dur? Le COVID, as-tu fait mal? Écoute, nous, à la traversée, c'est sûr qu'on est extrêmement chanceux. Les partenaires ont été avec nous avant, pendant la pandémie, puis ils sont encore là. C'est sûr, certain que ça nous a aidé à traverser cette crise-là, puis on est bien content d'avoir des partenaires de longue date, puis qui nous ont supportés tout le long de la pandémie. Hein. Je veux dire, il y a plusieurs commanditaires qui ont quand même versé leur commandite à la traversée, même si on n'était pas en opération officielle. Donc, ça là-dessus, je les remercie encore une fois. Puis oui, ils sont encore au rendez-vous cette année. OK. Ben, on va se positionner. Merci beaucoup pour le plaisir de se reparler. Ça fait plaisir. Jérémy Bonneau, le directeur général de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean.